Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 32e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et en ce moment, il fait froid dehors. Et du coup, petit auditeur, on a décidé de mettre un petit peu de soleil dans les oreilles grâce à l'accent du sud. Et on est entouré de tous les sudistes de VR for Player, à commencer par Cyril. Salut Cyril. Ouais, salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, faut aller, ouais. Bon. Alors ensuite, nous avons Majo. Salut Majo. Chocolatine à tous, messieurs. Oh là là, ça y est, comment c'était désagréable dès le départ. Fait chaud au cœur, tu vois, là. Transpire. Puis on est mal barré parce qu'après, on va accueillir Steph. Salut, Steph. Salut à tous. Non, je vais pas dire chocolatine. C'est déjà fait. Tu te retiens, ça va. Bah, on dirait Eric Cantona de la marionnette des Guignols. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit air. Ah ouais, il y a un air. Là. Peut-être. Et la coup de boule. Et salut, Steph. Salut Steph. Et salut Sei. Ça va? Ça va bien. Ça va, tu te sens pas mal à l'aise avec tous ces sudistes? Non, ça va, bah vous avez du pastis, hein, donc moi je me sens plutôt bien chez vous, hein, y a pas de problème. remonte un peu, chez moi c'est le Ricard. Voilà, Ricard, ah ouais, ça va, il y a aussi ça, alors on va passer après la chocolatine et pain chocolat, Ricard ou pastis. Ouais, mais il y a un combat des régions. Moi je préfère le pastis, tu vois. Ou Ricard. Anisette, parce qu'il y a aussi la Anisette. Ouais, je sais pas, j'en bois pas, c'est dégueulasse. Voilà. Non, moi c'est la bière, hein. Moi c'est pas. Ouais. Et bah très bien. Donc du coup on va commencer par des petites annonces de jeux qu'il y a eu et quelques sorties, à commencer par Vikings Days. Et c'est Cyril qui va nous en parler. Ouais, alors Vikings Days, c'est la grande nouvelle de cette semaine sur le PlayStation Store. Il est sorti le 28 de ce mois-ci. Alors c'est une nouveauté sans être une nouveauté pour nous Européens. Mais pas de nouveauté sur le PlayStation VR ni sur les PC VR, puisque le jeu est sorti en 2018 sur PC et courant du mois d'août, il me semble, sur le store US. Et donc il aura fallu un an et demi à peu près pour que ça vienne chez nous, dans nos contrées lointaines, visiblement. Mmh. Alors, c'est un petit jeu, faut se le dire d'entrée de jeu. J'ai pas sa durée initiale, sa durée de vie. Quand t'as à peu près 10 mini-jeux, donc c'est même eux qui le précisent, hein, je te lis la phrase, c'est Viking Days, mais la réalité dans la réalité virtuelle pour montrer à travers 10 mini-jeux la vie domestique du beau viking. Voilà, on est déjà dans 10 mini-jeux. Donc c'est un petit jeu composé de plein de mini-jeux. Et tu vois la journée, ce que fait un viking, un guerrier viking au repos, quoi. Alors son entraînement. Ah, il fait du tir à l'arc, il coupe, il lance des haches contre des cibles en bois. Donc voilà, ça se joue avec les PlayStation Move. Donc je crois que Majo, il a une bonne nouvelle à nous annoncer à tous, ou du moins à tous les possesseurs les nouveaux possesseurs de 4. Ouais, c'est ça. À ceux qui en ont pas encore. Bah, apparemment, c'est dispo. Les PlayStation Move sont dispo. Là, on a fait un petit tour sur le site de Boulanger. Donc il y a du stock. Visiblement, il y a du stock. Donc lâchez-vous, les gars, si vous en avez pas, c'est le moment. Voilà. Donc 89€, hein, ouais, fini les prix à 550 balles. Les prix officiels sont là. C'est une bonne chose. C'est clair. Donc c'est doublement une bonne chose, puisque le jeu est jouable uniquement avec les PlayStation Move. Le prix par contre, lui, il est sympatoche, parce qu'il est qu'à 6,19€. Donc voilà, mini-jeu mais mini-prix, on va dire. Donc ça, c'est à peu près c'est tout à leur honneur. Le studio, c'est studio brésilien VR Monkey, qui ont fait The Rapid Hole, qu'on connaît nous autres en Europe, sur PlayStation VR, mais qui ont aussi fait Apocalypse Rider, qui est là aussi sorti aux États-Unis en septembre 2018 sur le store, et qui n'est jamais encore paru sur nos contrées européennes. Ça va peut-être arriver. Bah là, je pense, hein, on a bien l'impression qu'ils sont en train de faire les fonds de tiroir, là, ça creuse. D'ouvrir les vannes, j'aimerais bien, mais. On sait pas de quel robinet. Il vide la cuve, c'est ça. Il vide la cuve. Bon, bref. Et que de la mousse. On est loin des 150 jeux donc, qu'ils avaient promis, non? Quand cette année ou... Ouais, je crois, non. Il y avait pas un truc comme ça où ils avaient dit qu'il y aurait encore 150 jeux ou un truc dans ce style? Ouais, mais c'était 2019, ça. Ou 2018. Bon, après, on est 2020, là. Bah ouais, c'est pour ça. Mais, justement, je sais pas, ils vont peut-être justement. Je crois qu'il y a quelque chose comme 500 jeux et expériences dispo. Hein. Il me semble que c'est un. Oui, t'en as 360 ou 380. Ça va vite. Hein. Ah ouais, mais bon, si je fais l'analogie avec une piscine, les piscines municipales, là, vous y avez déjà mis les pieds dedans. Une fois par an, généralement, il vide le bassin, il nettoie le bassin, et après, il le remplit d'une eau propre et limpide. Enfin, ils vont peut-être faire pareil. Ouais. Ils vident la cuve des jeux qui datent d'il y a 2 ans déjà, pour nous en balancer très prochainement, plein de nouveaux. Voilà. Bah ouais, pour la PS5, ouais. Mais pour le propre de la PS5, mais à part ça. Ouais, pour l'instant c'est un peu mort quoi, c'est un peu, alors c'est pas nouveau chez Sony puisque depuis le lancement du casque, le premier trimestre 2017 avait pas été ravageur, le premier trimestre 2018 non plus, 2019 ça avait pas été folichon non plus et 2020 ça en prend le chemin puisque on le sait tous, Iron Man a été repoussé, voilà. Et que Dreams, ça c'est une déception pour moi. C'est une déception, mais après bon, il n'y avait pas de move, donc c'est pas plus mal. C'est pas grave. Dreams va sortir le 14 février, donc que la version flat. On ne sait pas par contre la version VR, quand est-ce qu'elle sortira. Et il a été annoncé quand même que ça serait pour la PS4, donc voilà, à voir. D'accord. Bah, pour revenir à Viking Days, vous êtes hypé vous ou pas par ce jeu-là? Ça vous donne envie quand vous voyez un petit peu les visuels? Ça a l'air très... Ah, c'est plus qu'épuré là, c'est du pixel art hein, quasiment. Ouais, ça ressemble vraiment. Ben c'est ce qu'on disait, c'est daté maintenant quoi. C'est un jeu qui a dû être produit, développé 2017 pour un lancement. J'ai plus la date sur PC. Quand est-ce qu'il est sorti? 1er juillet 2018 sur PC. Bon ben voilà, depuis il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, ça ouais, a pas encore, l'air moche. C'est pas un début de gen quand même, c'est 1er juillet 2018, c'est pas un début de gen ans, mais bon, t'as quand même un développement qui est en amont qui a été fait. Donc, enfin, c'est 2 ans après le début de la VR. Ouais. Après The Rabbit Hole, j'ai l'impression que ce studio, de toute façon VRMonkey, ils font surtout des jeux de... Ça reste plus de la démo ou du domaine de l'expérience en termes de durée, parce que The Rabbit Hole c'était pas folichon non plus. Bon, ils se prennent pas au sérieux, ils se prennent pas le chou. Hein. Eux, ils veulent du jeu simple, revenir à la source. C'est ce qu'ils disaient avant le lancement du jeu à l'époque. Donc voilà. Bon, après pour 6,19€. Ouais, c'est pas un gros risque. Tu prends pas de risque. Ouais, on a connu pire. Hein. Ok. Ensuite, il y a aussi Vigilante Ranger. Tu voulais nous parler. Et ben là, c'est encore les Brésiliens, mais pas le même studio. Cette fois-ci, c'est Synergia Studio. Qui pond ce jeu, Vigilant Ranger. Alors, initialement, ce jeu est sorti sur les casques Oculus Go, Samsung Gear, compatible aussi Oculus Rift. Tarif 10€, donc attention, il a été annoncé pour cette semaine aux États-Unis. Je ne suis pas allé vérifier s'il était sorti sur le PlayStation Store US. Donc, pas de date pour l'Europe hein, pour l'instant. Voilà, donc pas de tarif, je ne l'ai pas. J'ai pas cette info en mémoire là. Sur le store Oculus, c'était à 10€. Visiblement, il a pas cassé 3 pattes et un canard. Donc voilà, on est dans du domaine. C'est un tower defense qui se joue à la première personne. C'est coloré, c'est bien, c'est flashy, mais avec des graphismes là aussi. Mais voilà, c'est un portage d'un jeu initialement prévu sur les casques VR mobiles, enfin de téléphone, de smartphone. Ouais, c'est coupé à la serpe hein, quand même. Hein. Voilà, et au niveau pas de graphique et choix des couleurs, moi ça me fait penser à Sabre. Ah, d'accord. Ouais, voilà, de ce que j'ai vu de la vidéo. Bon, bah, après ça peut être sympa parce que pourquoi pas, hein, tu intègres en gros la tour de défense par laquelle les ennemis vont passer et tu vas faire du FPS en fait, hein, du shoot. Pourquoi pas avoir, mais là aussi ça reste du mini-jeu, 10€ sur un store, je crois qu'il a été mal noté d'ailleurs sur le Oculus Store. Bon voilà, encore une fois, on vide les cuves. Ouais c'est ça, okay. Tu fais que prendre possession en fait des tours de défense, tu vas de tour en tour pour éliminer les ennemis, faut que tu choisisses ça à la bon rigueur, pourquoi pas, de toute façon des tower defense sur PlayStation VR, il n'y en a pas des masses, il y a Corix qui était sorti en 2017, après de mémoire j'en vois pas d'autres. Donc pourquoi pas, le principe me dérange pas, je pense que c'est pareil pour vous, moi ce que j'attends c'est voilà, on a plus de 3 ans d'existence du casque, Ah bah les mecs devraient tirer la, voilà, la quintessence du casque, de la PS4. C'est ce qui se faisait les générations précédentes. Les derniers jeux qui sortaient, c'était des tueries par rapport au support. Et là, nous, non, mais c'est tout l'inverse. Ouais, nous, malheureusement. C'est l'inverse. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Un peu compliqué en tout cas en ce début d'année pour avoir vraiment des trucs convaincants sur PSVR, c'est sûr. Bah, c'est un petit on en a eu quand même. Ouais, Shadow Legend là, qui a un mois et demi, c'est pas mal quoi. Enfin, c'est même très bien, c'est pas pas mal, ouais. C'est très bien. C'est... Donc faut aussi relativiser et parler. Enfin, pas dire qu'il y a que de la merde qui est sortie. Bon, il y a quand même Iron Man qui arrive dans 3 mois, même si c'est dans 3 mois, voilà. Il y a un gros jeu encore qui arrive, donc. Oui, et puis il peut y avoir encore d'autres jeux dont on connaît pas, hein. C'est pas parce que il y a une mise à jour, voilà, lequel? Spire One, non, ouais. Négatif. Il ouais. Y a pas eu de mise à jour sur PC, il y a eu une mise à jour là, 1.5, ouais. Ouais. Mais pas sur PlayStation. Pas chez nous, quoi. Ouais. Ah, c'est une déception ce jeu. Bon, enfin ouais, bon, on va pas y revenir. Après, on en a débattu après, en long. Tu peux le faire, hein, c'est juste que tu le finiras pas, quoi. Enfin, ouais, peut-être que chez toi ça marchera, mais chez moi ça fonctionne pas. Bon voilà, quoi qu'il en soit, ce qui vient de sortir cette semaine sur le PlayStation VR Europe et normalement américain, c'est des mini-jeux quoi, c'est voilà. Ouais, c'est un petit peu décevant, surtout pour les nouveaux possesseurs de casque, mais en même temps, il faut savoir qu'ils ont quand même un paquet de bons jeux à se procurer avant cela. Oui, il en manque pas. Mais je vois pas bien à qui ça peut s'adresser justement ce type de jeu-là, hein, moi qui est vraiment des gros fans de Tower Defense, mais... les anciens joueurs, ben, ils veulent passer à autre chose. Les nouveaux joueurs, ben, ils ont aussi tout le catalogue qui est avec des trucs bien convaincants dedans. Je comprends qu'après aussi, les développeurs aient envie de remettre sur la plateforme où ils vendent le plus de casques leur jeu, quoi, histoire d'avoir un retour sur investissement un peu plus intéressant. Mais du point de vue du joueur, c'est un peu... Ouais. Bah, faut le faire dès le départ, peu, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Mais bon, là, on sent bien que c'est pour meubler, quoi. Voilà. Enfin, c'est moi, ça. Je le prends comme ça. En tant oui, que bah, tu as raison. Ouais. C'est complètement ça. C'est ça. Alors que, justement, sur le PS Plus, pour tous les abonnés, est mis à disposition. Je vais pas dire gratuitement, hein, parce que dire que c'est un jeu gratuit alors que tu dois payer un abonnement, c'est un petit peu... Quoi qu'il arrive, tu payes. Voilà. Ouais, voilà. Mais du coup, par contre, on constatait plutôt que sur les abonnements PS Plus, il y avait de moins en moins de jeux, voire même plus du tout de jeux VR qui ressortaient. Et là, justement, ils ont décidé de nous sortir, Steph. Ouais, Firewall Zero Hour. Donc, un jeu multijoueur, en 4 contre 4. C'est, je pense, le meilleur jeu multijoueur qu'il puisse y avoir. Sur le PSVR, à mon avis. Un des meilleurs, en tout cas. Le plus suivi. Et donc voilà, c'est. Je crois que c'est bien mis à jour en plus. Il me semble qu'ils ont fait des mises à jour dernièrement. Régulièrement, tu as des DLC. Voilà, ils rajoutent des skins. Des nouvelles maps, des nouveaux persos, pas mal des nouvelles armes. Il y a tout un tas de choses. Il y a beaucoup de suivi sur ce jeu. First Contact, ils sont hyper actifs. Je crois que la dernière mise à jour, ça date de la semaine dernière, il me semble. Et juste à préciser qu'il va falloir vous munir d'un M-Controller pour pouvoir en profiter à 100%. Quoi. Ah ben il le faut, c'est obligatoire. Moi je trouve que. Bon, après, moi j'y ai pas joué énormément. Hein. Vraiment, je suis pas un gros joueur multijoueur de toute manière, moi. Donc, Tu prends des piles, c'est pour ça. Ah oui, non, mais moi je sais pas jouer, ça c'est un truc de fou. Hein. Alors, multijoueur, mon pauvre, hein, je vais me prendre des tours là tout à l'heure. Après, donc, c'est. Bon, maintenant t'as des mecs qui sont super forts, forcément, c'est comme tout, mais c'est quand même vachement tactique et c'est pas parce que tu vas aller vite ou shooter comme un chacal que tu vas toujours gagner. Il y a quand même cet aspect tactique. Ben là, on est vraiment dans un FPS tactique, quoi. C'est, oui, parce qu'il faut, communiquer avec. Avec l'équipe, ton équipe. Voilà. Mais après, c'est intéressant, mais moi, j'ai pas trop le temps, en fait, de m'y plonger dedans correctement. Donc, c'est après, quand t'as une bande de potes, tu veux te faire des frags, c'est... Moi, je trouve que c'est un bon jeu dans le sens où il a été suivi, il a été un peu novateur dans l'approche tactique. Ouais. Bah, novateur même sur PSVR, donc et puis bon, il y a que lui, non, c'est comme Farpoint, hein, l'M Controller a été fait pour Farpoint, mais ce jeu a été fait pour l'M Controller, quoi, donc c'est vraiment là, si ceux qui nous écoutent qui ont acheté le casque dernièrement veulent essayer le jeu puisqu'il est gratuit sur PlayStation Plus, Bon, ben, il faut penser à faire l'acquisition de l'AIM Controller parce que la dimension du jeu, elle explose avec ce support. C'est sûr. Ouais, c'est périphérique. Il faudrait que je me remette à celui-là parce que j'ai une vengeance à prendre sur Majo d'ailleurs. Mais si tu veux. On sera peut-être au même niveau maintenant parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Mais... Tu m'as humilié et sache que j'en garde une certaine rancœur. Oh, j'étais pas tout seul, on était quatre. Bah justement, tous dans le même panier. Allez, hop. Je me rappelle pas, le tir ami il est toléré. Pas, Non, je sais pas si c'est dommage. Alors, je peux pas jouer avec vous parce que je vous aurais tiré dessus, j'aurais pas pu. Ah putain, ça bouge, bam! Je suis tellement nul. En tous les cas, c'est une bonne démarche de la part de Sony de le proposer gratuitement. C'est un cadeau, comme on l'a dit, sans lettres, mais ça fait du bien, notamment aux nouveaux acquéreurs du casque, quoi. Ouais. Bah, moi je trouve que oui. Puis, après je crois que le dernier jeu qui avait été mis qui était compatible PSVR, c'était Wipeout, je crois. C'est ça, ouais. C'était. Il y a quand même. Mais il y en a pas eu tant que ça de jeux gratos. Hein. Non. Jeux VR. Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4, pas plus. Il y a eu Bound, il y a eu Rush of Blood. The Journey. Lequel? The Journey. Peut-être, ouais, je ne me rappelle plus. Ouais, tu vois, il n'y en a pas eu. Il y a longtemps, hein, donc. Il doit y en avoir 5-6, tout cassé. Si, il y a eu le jeu avec la danseuse, là. Ouais, Bound. Ouais. Bound. Ah ouais, Bound, ouais. Pardon, excusez-moi. Ah oui. Ça a été le premier. Attends, oui, je confonds peut-être. Alors, il y a eu Riggs aussi. Riggs, ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que. Ouais, non, donc, je confonds, ouais. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont abonnés et qui ont un casque, il n'y a aucune raison de passer à côté de cette petite pépite. On a déjà fait pas mal d'émissions dessus. Et puis voilà, quoi, c'est un pied intégral ce jeu. Maintenant, mon bon Majo, tu vas nous parler d'un jeu de saison. D'un jeu de saison, tout à fait. Hein, c'est l'hiver, il y a de la neige. Ouais, le vent dans les cheveux. C'est ça, il fait froid, ça gèle et tout. On le voit, l'herbe pousse pas, les lacs sont gelés. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on saute. On saute. Ouais, oui. Ski Jumping Pro. On saute. Ça revient un peu sur ce qu'on disait au début. Hein. C'est les fonds de tiroir, quoi. Donc, c'est la. C'est de tristesse. Sérieux. Je vais qualifier ça de. C'est la meilleure simulation de saut à ski, qui existe. Je connais que celle-là en fait. Bon, elle a au moins ce mérite-là. Après, je casse un peu du sucre parce que c'est pas si mal que ça, si tu veux, mais c'est que c'est très, très, très, très, très répétitif. Ouais. Et c'est comme là. Vrai, quoi. Ouais, en plus, c'est pas faux. C'est pas faux. Du coup, c'est pour ça que c'est une simulation d'ailleurs. Et du coup, techniquement, c'est à l'ouest complet. Ça alias de partout. Les textures elles sont dégueulasses, enfin, ça n'a aucun intérêt visuel. T'as peut-être un peu cette sensation de hauteur quand tu sautes et encore c'est pas si impressionnant que ça. Après le gameplay est pas trop mal, ça se joue à la manette et au PS Move. À la manette c'est quand même vachement plus compliqué qu'au PS Move. Et puis il y a quand même une partie technique, enfin, faut vraiment faire les gestes au bon moment, faut garder l'équilibre. En fait, tu as plusieurs phases, tu vas voir la phase où tu te lèves de ton banc si tu veux pour te projeter en avant. Donc, ça c'est pareil, il va falloir faire les bons mouvements. Après, il va falloir rester stable dans le rail de la rampe de saut. Après, il va falloir t'élancer, sauter au bon moment et ensuite gérer ton vol dans les airs et ton atterrissage pour finir. Et si tu te plantes, t'as perdu. Voilà, après, le système de scoring, c'est les vraies notes officielles. Tu as 5 notes qui te sont données. Ils t'enlèvent la meilleure et la moins bonne, donc ils te gardent que 3 notes. Ça fait une moyenne de ça. Il faut que tu sois dans les 30 premiers pour pouvoir sauter la deuxième fois. Voilà, ça reste classique là-dessus. Mais bon, c'est toujours ça, quoi. Voilà, c'est tout le temps. Tu sautes, tu as ton score, tu fais ton deuxième saut ou pas, et puis tu enchaînes à l'épreuve suivante. Et au niveau du gameplay? C'est ce que je disais, du coup, en fait tu vas avoir soit PS Move, voilà, c'est ça, soit PS Move soit la manette, tu vas avoir comment dirais-je, il va falloir jouer avec tes mains si tu veux pour garder l'équilibre, donc forcément tu sais avoir tes moves gauche et droite, tu sais faire le système de balancier, tu sais, pour être le plus stable possible. Pour gérer ton saut dans les airs, va falloir faire les grands bras écartés, là, tu fais un V avec tes bras. Pareil, il va falloir faire le système de balancier pour pour garder l'équilibre. Tu t'es pas filmé pendant le test ? Non, je suis en train d'y penser là, c'est pour ça que je souris. C'est exactement ce que je suis en train d'imaginer. Et du coup, bah, une fois que tu veux atterrir, en fait, il faut resserrer tes bras comme si tu voulais resserrer tes jambes, si tu veux, et en étant bien dans l'axe de la pente. Ouais, mais toi qui as joué pendant des heures. Oui. 3 heures, monsieur. J'ai fini le mode carrière. Vu qu'on est du domaine de la simulation, décidément. J'ai pas bu, hein, je précise. Tu dans ton positionnement des moves et dans ta gestuelle, tu sens une amélioration. Enfin, ça reste de la simulation ou c'est un peu random comme truc. Ouais. Non, c'est quand même. Il faut vraiment le timer au bon moment. Alors, tu vas avoir. En fait, j'allais venir après. Donc, dans le jeu, t'as le mode carrière. Et du coup, dans ce mode carrière, bah, tu vas gagner des étoiles et des crédits, quoi, de l'argent. Et avec cet argent, tu peux t'acheter de l'équipement. Et en fait, chaque équipement va t'améliorer, en gros, tes capacités. D'accord. Donc, t'as le casque, les gants, les skis, la combi et les chaussettes, le caleçon, enfin tout ça, quoi. Ah, c'est cool. C'est un RPG, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu, ouais. Le caleçon propre ou pas ? Ouais, ça dépend. Ça dépend de ton score, en fait. Ça dépend si c'est ton premier saut ou pas. Ouais, voilà. Ouais. Et le tremplin avec lequel tu sautes. Ouais. Et du coup, ouais, voilà, ça va améliorer tes stats, si tu veux, ta stabilité sur la rampe, ta capacité à voler, ta capacité à sauter plus haut pour atterrir plus loin, enfin voilà. Au début c'est assez compliqué parce que bah, forcément t'as un perso random et puis bah, t'as zéro stat, donc en fait t'es nul, voilà. Et après bah, tu vas t'améliorer et à force de jouer et puis aussi par ton équipement. Donc du coup j'ai fini le mode carrière et j'ai quand même débloqué pas mal d'équipements et c'est là où j'ai vu que ça s'améliorait quand même dans le jeu. Mais c'est quand même, franchement j'ai mis une heure à maîtriser le jeu quand même. Je me suis boité mais un nombre incalculable de fois. Je crois qu'il devait y avoir quelque chose comme 80 ou ouais, 60-80 courses différentes. Et au début, j'ai dû me boiter mais 30 fois d'affilée, quoi, sans réussir à atterrir une seule fois. Ah ouais, ouais. Franchement. Alors, j'avais du mal à capter le gameplay et tout. Alors j'ai commencé à la manette aussi au début. Ah, il est jouable à la manette, ouais, d'accord. Ouais, alors c'est beaucoup plus compliqué d'ailleurs. C'est paradoxal d'ailleurs. Bah, ouais, ça se joue avec les sticks en fait, faut garder l'équilibre avec le six-axis, c'est la reconnaissance de mouvement. Et après, pour tout ce qui est écartement des bras, des jambes et tout ça, ça se joue avec les sticks. D'accord. Voilà. Mais t'as un tutoriel ou en français ou... Alors, t'as un tuto en fait à chaque début de saut. Que tu peux activer ou non en fait, donc c'est à dire que tu te retrouves sur la rampe et tu peux appuyer sur le triangle, je crois que c'est pour lancer le tuto, ou la croix pour passer au saut, et donc tu peux le consulter à chaque fois et il est quand même assez bien fait, quoi. C'est quand même assez clair. Après de toute façon c'est avec l'expérience qu'on apprend, hein, donc il faut faire plus de sauts pour être au bon moment, réussir à sauter tout ça, donc c'est technique mais c'est chiant, voilà. Tout ce qui est technique est chiant, hein. Ouais, mais des fois c'est fun de chercher la technique, mais là quand même. Ouais. En fait, comme j'ai dit, j'ai fini le mode carrière, j'ai joué 3 heures, donc je l'ai fait en 2 fois, j'ai fait 2 fois 1 heure et demie. Et le seul truc, j'en avais marre, hein. Honnêtement, ça me saoulait de me boiter, ça me gonflait, mais en fait, ce qui me tenait, c'est le scoring, c'est que j'avais envie de réussir à grappiller des points, à être meilleur sur la truc d'après, quoi. Si ça me gonfle, je jette le mouet. Ouais, mais il est passé pas loin. Heureusement qu'il y avait la dragonne. Ça sert à ça, les dragons, les gars. Bah après, c'est une vraie simulation. Alors. Ouais, vraiment, ils ont mis l'accent là-dessus. Voilà. Bon, après, graphiquement, c'est dégueulasse. Je te dis, c'est chiant comme la pluie. Enfin, tu vas t'amuser. Ouais, au début, t'as toujours l'effet de découverte. Ça va durer quoi, un quart d'heure ? C'est après, le simulateur de vol des années 80, quoi. De quoi ? J'ai pas compris. Le simulateur de vol des années 80. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais en VR. Ouais. Okay. Et du coup, je peux pas parler du prix, 19,99 aussi. Voilà. Ça fait cher. Ça pique là par contre. Ouais. Ouais. C'est un peu cher. Ah, mais le mode carrière dure 3 heures, messieurs. Et pour tout débloquer, vous avez au moins le double. Donc 6 heures de durée de vie, hein, messieurs. C'est comme ça qu'on calcule maintenant, non ? Ouais, c'est pas faux. C'est comme ça qu'on se rassure en fait. Ouais. 3 films. Non, ouais, c'est ça. 3 films, 20 balles. Écoute, c'est 25 euros un Blu-ray. On n'est pas loin. Hein. Wow. Ouais, et le test alors, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Le montage est en cours. Bon, il me tarde parce que il y aura une surprise. Ou pas. Ouais, ou pas. Ouais. Wow, y a bien des grincheux classiques qui diront, ouais, c'est pas intéressant, c'est nul, quoi, comme d'hab. Donc, du coup, on en rajoute. On l'a vu dernièrement. Nous, ouais, on rajoute une couche. Bam. Donc voilà, écoute, Ski Jumping Pro, j'ai pas fait la notation encore, mais bon, ça sent le 4, 5 sur 10 quoi. Ouais. Okay, bon, on verra. Donc, ça. En gros, quand t'as pas plané quoi. Si, mais un quart d'heure. Voilà, très bien. Et après j'ai vomi. Je déconne. Okay. Bon bah très bien. On verra le test du coup. Et en parlant de vomi, moi je vais vous présenter Walking Dead Saints and Sinners. Je sais pas si c'est la meilleure intro de jeu que j'ai fait. Ouais, c'est sympa. Donc Walking Dead Saints and Sinners, c'est un jeu qui est sorti le 23 janvier. On va pas parler. Ouais, il va bientôt sortir sur PSVR. Ça, j'en parlerai après. C'est un jeu donc qui est sorti le 23 janvier sur PC, sur Steam notamment, et sur l'Oculus Store si je ne dis pas de bêtises, au prix de 34€. C'est édité et développé par Skydance Interactive. Je sais pas si vous vous souvenez en fait de studio, c'est les mêmes qui avaient fait Archangel. Ouais. À l'époque. C'était un bon jeu. Qui était pas mauvais, qui était un petit peu court, mais qui était plutôt joli en tout cas. Ouais, qui ont fait le 2 sur. Ouais, c'était un rail shooter. Hein. Ouais. Sur rail, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et ils ont fait le 2, mais que sur PC. Ouais. C'était un add-on, je crois. Enfin, un DLC. Enfin, bon, bref, peu importe. Bah, ouais, 2. Enfin, c'est pas sorti, hein, 2. On l'a pas eu en tout cas. Bah, sur PSVR, non. Voilà. Sur PC VR. Je m'en rappelle. Et rien n'est impossible, les gars, en cette fin de vie. Ah oui, c'est vrai que remarque là, ouais, peut-être qu'on va l'avoir. En cette période de raclage de cubes. Et Yoshida, il va farfouiller là dans les dossiers, il va dire: ah, t'as celui-là. Mais c'est quoi ce truc? Ah, j'avais oublié de mettre le tampon. Oh merde. Oh là, boum. Oh putain, 2 ans déjà. Oh là là. Ah, l'encre sèche, changez-moi le truc. Là, voilà. Bon, on verra bien en tout cas. Et donc, au lieu de bouffer. Walking Dead sort sur PSVR au printemps, ce qui est une bonne nouvelle. Et sur Quest, le 4e trimestre 2020. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un FPS, c'est un jeu de survie, en même temps jeu d'aventure, jeu à ambiance, jeu avec un petit scénario, et qui est vraiment sympa à suivre. Ça se passe dans la Nouvelle-Orléans. Et c'est donc dans l'univers de Walking Dead, hein, je vais pas vous faire l'affront de vous le présenter. C'est tiré des comics qui malheureusement se sont terminés, et il y a eu une série aussi qui malheureusement continue. Il y a eu pas mal de jeux. C'est pas faux. Oh, tu peux pas dire ça. Oh. Non, mais en plus je continue à suivre pour. Moi je le suis plus. Moi je suis, mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. Moi depuis je crois la saison 8 ou 9, je suis plus, j'y arrive plus. Bah je crois justement que c'est la saison 9 qui sort en ce moment. Non, c'est la 10. Il y a des extraterrestres maintenant aussi ou. D'accord. Ah, apparemment. Attention, pas de spoil, les gars, pas de spoil. C'est pas un spoil, c'est un tweet de Kirkman. Ouais, mais pas de spoil quand même. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu ça. L'origine du virus. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, on se retrouve dans la Nouvelle-Orléans, juste après un gros raz-de-marée, un gros ouragan en fait, qui a tout ravagé. Comme si l'invasion de zombies ça suffisait pas, donc voilà, on rajoute ça. Et donc, on est un espèce de random, on peut choisir d'être un homme ou une femme au début du jeu. Et on a un random qui essaye de survivre, hein, tout simplement, dans cet univers un peu hostile. Et, on a un pote comme ça qui nous donne l'accès à son lieu de. Enfin, comment on appelle ça, un lieu safe, on va dire. Ouais. C'est un espèce de bus. Donc, ça, c'est le hub principal du jeu. C'est la zone safe, en fait, où tu vas pouvoir crafter, recycler tes objets que tu récupères sur les maps. Tu vas pouvoir t'as des petits embranchements cinématiques dedans, et c'est très très bien. Et t'es vraiment content justement d'avoir une zone dans ce jeu là c'est ce que safe, j'allais dire, quoi. Ça a l'air d'être c'est l'impression que ça donne quand on regarde un peu voilà. Les vidéos des mecs qui jouent, c'est un peu l'impression que ça donne. Tu souffles quand t'es là, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc du coup ça se structure comment, en fait? Donc t'as ton hub, et puis donc tu vas sortir faire des missions dans certaines zones. Il y a à peu près une grosse dizaine de zones, il me semble, à peu près. Et donc, tu vas devoir faire tes missions, suivre le scénario, récupérer des objets, récupérer beaucoup d'objets à droite à gauche pour pouvoir les recycler, pour pouvoir augmenter tes statistiques ou faire des objets, faire des armes. D'ailleurs, pas mal d'armes emblématiques du comics et de la série qu'on retrouve, genre Lucille, le Katana de Mission, le flingue de Rick. Il y a plein de choses qui sont plutôt sympas pour les fans. Et efficace en plus contre les zombies, parce que du coup le but du jeu aussi ça va être de survivre contre ces saloperies de zombies. Et c'est là tout l'intérêt du jeu, en tout cas le gros point fort du jeu, c'est les sensations que tu as dans les phases de combat. Ils ont réussi à donner un poids aux armes blanches, c'est assez impressionnant en fait, t'as une espèce d'inertie. Par exemple, quand tu tiens une batte de baseball, et ben, si tu y vas avec une seule main pour donner des coups, et ben, t'auras aucune force, donc du coup ben, ça va tomber, ça va faire ploc sur le crâne du zombie, il va rien, puis il va bien se marrer, il va se foutre de toi. Et sinon, tu le prends à deux mains avec, voilà, avec tes moves, enfin avec tes contrôleurs, et puis là... Oh, ne nous nargue pas, s'il te plaît. On verra comment ça se passe sur PSVR. Et puis après, tu balances des gros coups de... Là, tu fracasses des crânes à coups de batte, avec des couteaux. Enfin voilà, c'est vraiment le gros... T'es vraiment dedans, au niveau de l'immersion, et des combats à l'arme blanche. Si je dois comparer ça à Skyrim, Skyrim, c'est de la piste de chat à côté, hein. Au niveau des sensations de combat. Bah, du coup, ça, c'est bien parce que ça fait évoluer un peu cette habitude que tu as de secouer ton épée, là, de ouais. battre comme ça, comme si tu battais des œufs là, pour ouais. faire ton omelette. Et c'est bien, ça prouve que c'est possible et ça va peut-être donner une nouvelle base de départ au futur dev à ce niveau-là. Mmh. Ça marche bien, ouais, parce que ce qui gênait dans Skyrim, c'est comme tu disais, en fait, c'est d'avoir ton épée et puis d'avoir l'impression que tu as une épée en mousse, quoi, que tu peux gesticuler dans tous les sens. Là, non, tout a un poids et même les objets que tu dois ramasser ont un poids. En fait, il y a un moteur physique dans ce jeu-là qui est quand même très, qui est très, très, très bien conçu. Et, ouais. Et même ton sac à dos, en fait, quand tu le prends dans ton dos. Tu prends ton sac à dos avec ta main gauche, tu chopes derrière ton dos et puis tu récupères ton sac à dos devant toi après. Même ton sac à dos, il a un poids. Ton flingue, il a un poids. Si tu as un fusil à pompe ou un fusil à double canon, bah, ça n'a pas le même poids qu'un petit flingue. Ah ouais, ah ouais, ils ont donc vraiment poussé le vice jusque-là, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ton arme, par exemple, ton fusil, par exemple, dans un jeu, on va dire VR classique, tu le prends à une main, tu vises. Si tu te démerdes bien, t'arrives à viser comme il faut. Là, non, faut vraiment que tu le prennes à deux mains, ton fusil, que tu mettes l'autre move en dessous du canon pour pouvoir viser et avoir une visée beaucoup plus précise. Ouais, c'est bien parce que ça renforce un peu ce côté amateur qui s'est retrouvé un peu là par hasard, qui sait pas forcément se servir d'un flingue et tout ça, et qui doit aussi découvrir et s'adapter. Voilà, et là c'est ton skill aussi qui va rentrer en jeu, et la façon dont tu ressens un petit peu les armes que t'as. Tu vas pas jouer de la même façon avec un petit surin qu'avec une batte à clous, quoi. Donc la manière de tuer les zombies au couteau, c'est hyper bien amené, quoi. C'est ça. Parce que t'as aussi la vitesse, en fonction de la vitesse de ton mouvement. T'as la vitesse, et t'as aussi la contendance, en fait, de ton arme. Donc, oui, c'est vrai que tu peux changer d'axe, ouais. J'ai... En fait, à chaque fois, t'as une statistique, tu regardes ton objet, tu le mets devant tes yeux, et t'as des statistiques, en fait, qui apparaissent sur l'arme. Et tu te rends compte que les statistiques, elles changent. Donc toutes tes armes ont une durabilité. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Tu balances plusieurs coups de batte sur un... Je suis très sur la batte, hein. J'adore cette arme. tu peux tuer, je sais pas, une vingtaine... Tu as une femme à la maison, Sei? Non, j'ai des enfants. Ça marche aussi. Ah, c'est son côté américain, là. Ça. Ah, c'est ça. Sport roi. Mon côté redneck. Et donc voilà, ça se casse. Et ouais, mais quand t'as un zombie qui t'arrive dessus, quand t'as ton couteau, tu peux les choper. Donc tu peux tout faire. Hein, tu peux les choper par la tête. Tu peux les traîner une fois qu'ils sont morts. Le moteur physique est vraiment bluffant pour ça. Mais quand ils arrivent et que tu dois donner un coup de couteau dans le crâne ou n'importe où, tu prends ton élan quand même. Hein. Ah ouais. Parce que sinon ça rentre pas. On est d'accord. Sinon ça rentre pas. Alors si ça rentre pas, et ben faut forcer. Alors tu forces. C'est tout dans la sensation et vraiment au niveau de l'immersion, c'est... Putain, je sais pas si on aura ça. Hein. Putain, En tout cas, c'est prévu. Je te dis printemps, oui. Printemps 2020, donc normalement... Tu le sens, le retour haptique arriver sur les prochains PlayStation Move? Ah, c'est sûr. Ça... Ah bah là, s'ils ça le mettent pas... Là, ça se prête typiquement, justement, je pense. Ouais. Au niveau du gameplay, je trouve que là, on a passé un cap au niveau de l'immersion et de l'efficacité, hein, avec ce jeu-là. Ah, c'est prometteur, c'est bien. Quand tu vois, voilà, Skyrim, c'est l'ancienne génération au niveau du combat à l'arme blanche. Walking Dead, c'est la nouvelle génération, ça c'est sûr et certain. Ouais, tu vois, entre les deux, moi qui ai testé Shadow Legend, je trouvais que c'était déjà quand même bien amené, le fait que les ennemis puissent te contrer avec leurs armes, leurs boucliers et tout ça. Ça a justement obligé à ne pas faire ce système de bataille au mousquet. Et donc c'est bien ça, on passe vraiment encore un cap dans la réal et ça c'est cool. Là on voit de l'évolution de gameplay quoi. Voilà, exactement, au fur et à mesure ça évolue et c'est vraiment bien. Bon, alors le gros point noir du jeu, c'est qu'il est en anglais intégralement pour le moment, alors que ben normalement c'était prévu qu'il sorte en français, c'est pas le cas, en tout cas pas sur PC. Peut-être que d'ici ce que il sorte sur PSVR, ça sera il y aura la VF directement dessus et ça serait pas mal parce que le jeu est quand même très bavard. Ah ouais, d'accord. C'est de l'américain, enfin je veux dire c'est de l'American, tu vois, c'est du truc si t'es pas vraiment calé, ça parle vite, ça parle beaucoup. Ça bouffe le chewing-gum. Ouais, si t'es pas habitué à regarder les séries en VO, C'est un peu chaud quoi. Et même avec les sous-titres bah, du coup anglais que tu peux mettre, c'est un petit peu compliqué. J'ai essayé de faire le vaillant et de le commencer sans les sous-titres, j'ai très vite arrêté et mis les sous-titres après. Et même avec ça, je galère un petit peu des fois. J'aurais dû plus écouter au collège. Et puis voilà quoi. Donc une quinzaine d'heures de jeu, a priori à peu près. J'en suis déjà à 6 ou 7 heures de jeu et j'ai l'impression que j'ai pas vu le quart encore. Donc, ah ouais, c'est vraiment le bon jeu de ce début d'année sur VR quoi. Enfin, après, c'est un jeu qui est assez lent, en tout cas, qui est pas pour les bourrins, ça c'est sûr et certain. Et il y en a certains que ça risque d'énerver un petit peu, c'est vraiment un jeu de survie. C'est-à-dire que autant tu commences le jeu avec toutes tes barres de vie et de stamina à fond, là où j'en suis, pour trouver des médocs pour avoir la vie max, je commence à galérer. Surtout que tu récupères de la bouffe partout sur la carte. Et quand tu manges un truc, bah forcément c'est des trucs à varier. Tu as des pâtés pour chiens, tu as des petits gâteaux secs pourris, tu as des canettes en veux-tu en voilà. Et tu bois ça en fait, ça te rajoute de la stamina maximum. Il y a de la bière ? j'ai pas trouvé de bière, j'ai cherché. Je crois que t'as du whisky par contre. Oh, c'est nul alors. Ah, s'il y a du whisky, c'est bon. Oh, ça va. Du bon vieux bourbon du Kentucky. Et mais par contre, en fait, quand tu manges des trucs comme ça un petit peu avariés, ça te fait baisser ta vie maximum. C'est-à-dire que là, je dois en être là où j'en suis. Enfin, quand je jouais hier, j'étais à 50% en fait de ma vie maximum. Et en fait, t'es obligé de trouver des médocs un petit peu partout pour pouvoir augmenter ta vie. Donc c'est vraiment de la stratégie, de la survie pure et dure. Et surtout quand tu te fais acculer par plein de zombies, tu fais pas le malin. Ouais, c'est bien, ça t'oblige au moins à t'adapter au gameplay et puis c'est les sensations qui sont aussi recherchées par la VR, c'est de donner cette impression de survie et de te sentir obligé. C'est ça. Quand tu sors de ta safe zone pour aller justement dans les zones de mission, tu réfléchis, tu vois, tu vérifies ce que tu as dans ton sac à dos. Faut pas avoir trop de stuff parce que sinon après tu peux pas récupérer d'objets à recycler. Mais tu vois, tu te fais 2-3 sur 1 d'avance, tu vérifies que tu as un flingue en bonne santé pour pouvoir y aller. Tu vérifies que tu as des balles, tu vérifies que tu as une grosse arme dans ton dos. Tu fais bien attention à ton stuff. C'est avant d'y aller. Un peu le The Last of Us de la VR. Last of Us était beaucoup plus arcade et beaucoup plus friendly au niveau de l'avancée que ce Walking Dead. Walking Dead, il est vraiment hardcore en début. Si tu le fais en mode difficile, t'as moins de santé qui se traîne un peu partout. Les surins, ils se cassent plus vite. Non, je trouve que ça me fait penser à ça, de la manière dont tu me le décris, la durabilité des armes, le fait que tu aies la pression dehors, que tu trouves pas des médocs un peu partout, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, c'est bien, hein, c'est pas péjoratif du coup, ce que je dis, c'est un bon jeu. Et franchement, ça fait le café, hein. Moi tout ce que j'ai envie de faire là, c'est d'y retourner en fait, donc vous dire au revoir et puis... casse-toi. D'ailleurs, merci de nous avoir écoutés, à dans 2 semaines et puis... D'ailleurs, justement les gars, je vais devoir vous quitter. Voilà. Putain, elle est bonne ta transition là. Ah ouais. Tu l'as fait exprès, c'est pas possible. Maintenant que vous en parlez, je me casse. Je bosse donc. T'as un travail toi ? T'as un vrai boulot ? Un vrai boulot, comme nous. Bon, ça va. Bisous, Stéphane. Ouais. Merci en tout cas d'être passé. Bisous à tous, les gars. Bonne nuit. Allez. Ciao. Salut, Steph. Ciao. Allez, ciao. Ouais, donc c'est vraiment une bonne pioche quoi. Une très bonne pioche, une très bonne pioche. Petit pot de beurre, en réservatu. C'est très prenant, c'est très, très efficace, c'est une progression lente, mais du coup, ça se prête vraiment bien à la VR. Quand tu pars en mission, en fait, quand tu pars dans une zone, quand tu sors du hub, ça dure une journée. En fait, tu as une montre comme ça et tu as un certain temps qui défile forcément. Et en fait, à mi-journée, tu entends un petit tic-tic de ta montre. Tu sais qu'il te reste juste la moitié du temps. Et une fois que l'alarme sonne de ta montre, et ben là, tu as les hordes. Donc, tu as la nuit qui tombe et tu as les hordes de zombies qui commencent à arriver avec la musique bien angoissante. Et là, tu sais que où que tu sois sur la carte, t'as intérêt de te barrer, mais très, très, très, très vite. Parce que sinon, t'as aucune chance de survie. Ouais, je vais pas pouvoir y jouer, moi, ça, c'est pas possible. Ah ouais, non. Et je si le dis à chaque fois, mais. Moi, bah, je suis un peu comme toi, Cyril, moi, c'est pareil. Après, si l'ambiance est bonne. Enfin, moi, c'est plus ce qui est zone sombre que j'aime pas trop. Tu sais, où t'as la torche, mais que t'as ta zone d'éclairage qui est je sais pas, aussi grande qu'un verre de lunettes, quoi, tu vois, donc c'est... Eh ben, c'est exactement ça, justement. Ouais, t'as une petite lampe torche qui est sur ton poitrail, en fait, et surtout que, bah, forcément, elle a une durée de vie aussi, et elle éclaire peut-être une minute, et puis au bout d'une minute, ça commence à clic-clic-clic-clic-clic-clic. Ouais, faut la secouer, alors, non ? Alors, tu la prends, tu la secoues, tu la remets, et puis c'est reparti. Bon, heureusement, ils ont pas été sales sur ce coup-là, faut pas retrouver des piles comme d'Outlast, donc ça va. Mais voilà, ouais, super bonne pioche. Graphiquement, il est vraiment, en tout cas, moi je joue sur WMR sur PC avec une 1080 Ti. Il est vraiment beau. Il y a beaucoup d'options graphiques sur PC, donc du coup, tu peux vraiment mettre à fond les ballons sans problème. Ça run vraiment, vraiment bien. Et voilà. quand tu meurs, t'es en permades ? Non, quand tu meurs, en fait, quand tu meurs dans une zone de mission. Tu perds ton stuff, tu perds en fait tout ce qu'il y avait dans ton sac à dos. Ah oui. Ouais. Donc t'as la possibilité de retourner le chercher là où tu es mort. Oui, forcément. Mais le truc, c'est que si tu meurs entre temps, et ben c'est perdu et basta. Donc toutes les armes que t'avais dedans, tous les objets que t'avais récupérés, tous les précieux médocs que tu pouvais avoir pris sur la carte, et ben dans le cululu, quoi. Ah ouais. Et tu tombes sur des situations des fois qui sont bien, bien chiantes, quoi. Par exemple, tu tombes sur un humain comme ça, il dit ouais, file-moi tes médocs, j'ai pas envie de faire ça, mais sinon je te bute. Tu fais tu me fous la pète, tu détournes les talons, et puis lui, il te traque, et puis il essaie de te buter. Ça m'est arrivé une fois, ça. Ah, et puis pas voilà, mal, il a fallu que j'use de malice. De charme. de me charme au couteau, ouais, surtout, pour lui planter dans le cou. Et voilà. Mais tu vois, c'est des choix moraux en fait, que tu as tout au long du jeu, comme ça. Oui, parce que tu peux choisir de buter qui tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. La première nénette qui te file une mission au tout début du jeu, tu peux prendre ton couteau, lui planter dans le crâne, tu n'auras pas de game over. Ça, c'est cool aussi. Ah, donc voilà, tu fais. Enfin, pas le fait de la tuer, hein, mais je veux dire de laisser le choix de. On a bien compris. On a bien compris. Ouais, il y a une histoire aussi de deux factions qui se partagent le pouvoir dans la ville. Bon, forcément, ils peuvent pas se blairer, et donc du coup, c'est un petit peu la guerre entre eux. Donc tu dois choisir aider l'un ou l'autre selon. Et pareil, en fait, quand tu recommences des missions, quand tu te plantes vraiment complètement, tu peux voir que. Tu peux faire tes missions de façon complètement différente, quoi. Donc ouais, c'est scripté, mais pas linéaire, quoi. C'est pas linéaire, en fait, c'est toi qui fais ton aventure et ton. Est-ce que tes choix ont une importance sur le scénar? Pas trop, en tout cas. Moi j'ai pas bien vu de différence. Bah, après, tu me diras, faut le faire plusieurs fois peut-être pour le savoir, mais peut-être, oui, mais je suis pas encore arrivé à la fin. T'as quand même une histoire principale. T'as une histoire principale, ouais, qui est toute con, en fait. Hein. Tu rencontres. Je veux pas en dévoiler trop, parce que ça fait un petit peu l'intérêt du jeu aussi de suivre ça. Ça va pas casser trois pattes à un canard, mais t'as des histoires un petit peu sordides quand tu explores. Du coup, le but, hormis de survivre, il est. C'est quoi ? C'est au fur et à mesure, là. Par exemple, tu vois, à la radio, dans le hub, dans la safe zone. Tu fais la découverte d'un gars qui tu dois parler à la radio. Tu dois l'aider, tu le connais pas. Alors au départ, c'est un peu compliqué pour qu'il te fasse confiance et pour que toi tu lui fasses confiance. Et puis après, il te commence à te faire miroiter une espèce de bunker qui va bientôt être englouti sous les eaux. Où faut vite y aller pour pouvoir récupérer tout le stuff, des armes, des munitions et pouvoir te barrer de cet endroit là. Voilà, ça c'est par exemple un fil rouge déjà dans le jeu. À côté de ça, tu fais la rencontre aussi d'une femme qui connaissait ton pote que tu rencontres au tout début du jeu, qui doit te faire confiance aussi, qui te propose aussi des missions, et elle, c'est plus en lien en fait avec les factions du jeu. C'est plein de petites choses en fait comme ça qui vont te faire progresser dans l'histoire, qui donnent en tout cas coup par coup Te donne l'envie de progresser dans l'aventure. Ça, ça me plaît moins, ça, déjà, tu vois. Qu'il n'y ait pas de grosse quête principale qui Je m'en plains suffisamment quand, sur les jeux d'Ubisoft auxquels je joue, The Division ou toutes ces choses-là, tu vois. Je trouve que l'histoire principale est toujours trop light et après, c'est, pour moi, c'est du superflu. Et là, tu vois, ça me dérange un peu parce qu'une fois que tu as perdu cette envie de progresser dans le jeu, d'en découvrir un peu plus sur le gameplay, sur plein de choses, bah, ton jeu, il est fini. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ça me dérange. Ouais. Je pense exactement le contraire, en tout cas dans ce jeu-là, c'est que vu que les éléments du scénario, tu les découvres au fur et à mesure, pas à pas, c'est ce qui te donne justement l'intérêt d'avancer, justement. D'accord. De ne pas avoir une quête trop épique, trop loin, dont tu auras la conclusion à la fin du jeu. Mais là, c'est vraiment au fur et à mesure, toi, des petites histoires que tu découvres. C'est bien équilibré, quoi. Dans des mini-quêtes, etc. C'est pas du tout en avant dans le jeu. C'est, narrativement, c'est très en retrait. Mais quand tu t'y intéresses, en tout cas, c'est bien. Toi, dans une des mini-missions, mais c'est une des toutes premières missions annexes, tu rencontres la première femme là, que tu rencontres, qui dit d'aller retrouver son mari parce qu'il allait chercher du matos dans une maison bleue et voir où est-ce qu'il en est, lui ramener. Là, tu te rends compte en fait qu'il y a une histoire un petit peu glauque derrière, tu vois, mais que tu découvres en lisant des lettres, en découvrant son mari, justement. Et justement, c'est ce genre de petites touches comme ça qui te donne envie justement d'avancer, d'en découvrir plus et de continuer de discuter avec le gars à la radio et puis avec la meuf que tu rencontres plus tard dans le cimetière, quoi. Donc non, c'est au contraire, c'est ce qui me tient en tout cas en ce moment, c'est le gameplay. Ouais. Et savoir tout simplement si je pourrais m'en sortir, quoi, parce que c'est cette sensation de pression permanente. Ah, complètement. Et puis tu vois, faut prendre des réflexes. Par exemple, tu visites une baraque et tu fermes les portes derrière toi, parce que si tu les fermes pas, tu sais que quand tu vas revenir au rez-de-chaussée, tu auras peut-être deux trois zomblards qui vont se pointer. Plus les jours passent, moins il y a de stuff, mais plus il y a de zombies aussi. Histoire de te mettre la pression un petit peu tous les jours. Ouais, ça, donc, ça essaye d'être assez réaliste par rapport à la situation, quoi. Voilà, donc c'est dur au début, faut vraiment s'accrocher, mais c'est pas insurmontable. Et c'est surtout plaisant. Quand tu veux bien prendre ton temps, c'est vraiment, vraiment super cool, quoi. Donc, est-ce que tu penses que c'est un bon simulateur de survie ? Ah en VR, oui. Ça t'apprendra pas à survivre dans une vraie apocalypse. Non, je parlais en vrai, on sait jamais. Mais si un jour, je sais pas. je sais pas. Si on manque de Corona, par exemple. Ouais. La bière. Non, la bière. Vérité est ailleurs. je sais pas, moi je m'en fous, j'ai mon katana chez moi, je suis prêt. Donc le reste. Putain, des bières. Je m'en fiche. Donc voilà. Walking Dead, Saint and Sinners, c'est une sacrée bonne pioche. Les avis sont dithyrambiques sur Steam, et à raison, parce que c'est franchement un super jeu, quoi. C'est vraiment super jeu, et voilà. Ça renouvelle le gameplay VR, c'est bien. Mais c'est ça qui est le plus intéressant. Bonne, ouais. Comment ils vont faire ça sur le Move, ça je sais pas. Sur les Move, Tu penses que c'est difficilement adaptable ? Là, c'est tu te déplaces librement avec les sticks sur le WMR. Comment ils vont faire Donc ce sera les boutons Move. Ouais. Faut voir. Ils peuvent faire un truc de bien. Skyrim a bien réussi, donc il n'y a pas de raison non plus. Hein, mais voilà. Ouais. Bon, à voir. Et voilà, c'était tout pour Walking Dead, Saints and Sinners. Ah. Et justement, la transition. Tu vas nous parler de bière mexicaine, Cyril. Ouais, alors pour un sujet qui tient vraiment à cœur, je vais pas vous annoncer la sortie imminente de Resident Evil 8 VR, non, quelque chose de bien plus réel malheureusement. Mais il a été annoncé là. La majorité des joueurs préféraient qu'on parle de RE8 VR. RE8, c'est le voisin, RE, c'est pour ça. Et il en a 8. Mais voilà. Alors, on a fait je pense sur le site un bon article qui parle du coronavirus. Alors, la transition, on n'est pas à l'orée de l'Armageddon, du Doomsday, loin de là. Le coronavirus, là, d'ailleurs, c'est une souche de virus. ce qui est en train de frapper principalement la Chine, mais aussi certains pays, dont la France, hein, à l'heure où on parle, il y a eu un sixième cas. C'est, on va dire que c'est une grippe explosive, ou de toute façon, c'est la même souche. Il compare ça au SRAS de 2003. Oui, mais le SRAS, de toute façon, est issu de... ça part du coronavirus. C'est une grande famille de virus à couronne, voilà, pour dire la genèse de la chose. Et... Mais t'es médecin ? Ouais. Ouais. Ouais, mais, c'est le mec qui passe sur la 5 là, tous les 12, 30 ou 13 heures, c'est moi. Ah oui, je vois qui non, tu c'est pour dire. Ça. Non, enfin voilà. Donc on bascule un peu sur la transition du virus et la transformation des êtres humains. Quoi qu'il en soit, il y en a qui en sont morts. Et ça se passe principalement en Chine. La Chine, c'est, on va dire, le poumon économique actuel de la planète. Oh. C'est là où tout est produit, là où tous nous autres consommateurs occidentaux et autres achetons là-bas, nous fournissons là-bas, matières premières là-bas, confectionnons là-bas. Enfin bon, on dépend vraiment de leur production locale. Or, il s'avère que suite à cette épidémie, qui n'est pas une pandémie pour l'instant, le gouvernement chinois a frappé fort. Et a décidé des grandes mesures comme quand même la région de Wuhan qui est l'épicentre de l'événement. Il y a quand même approximativement 56 millions de personnes qui sont mis entre guillemets en quarantaine. Impossibilité de faire des voyages de groupe, de faire des réservations d'hôtels. Des hôpitaux sont créés de toutes pièces en quelques jours. Il y a plein de mesures qui ont été prises, et dont une qui pour nous, quand on a fait l'article, est symptomatique. On est dans un pays communiste, il faut bien le rappeler, où la notion « la joie par le travail » est encore prédominante. Et pour ce nouvel an chinois, généralement, ils ont 7 jours de congés fériés. Le gouvernement a déjà décidé de les prolonger de 3 jours. Donc jusqu'au 2 février, les salariés chinois ne vont pas travailler. Ça, c'est une première, hein, ça c'est du jamais vu. Et il faut savoir que de grandes entreprises industrielles, de grands corpus industriels ont emboîté le pas. Je pense notamment à Foxconn, qui est bien connu des possesseurs de smartphones Apple ou d'autres marques, qui eux ont décidé carrément par mesure préventive de repousser la rentrée du travail au 14 ou 15 février. Donc c'est pas anodin, il se passe bien quelque chose. Alors ça va pas être Armageddon ou Doomsday, mais si la situation perdure, si ces mesures d'urgence perdurent, il y aura indubitablement une répercussion sur la production d'un service, d'un composant, de quoi que ce soit qui, au fil de la chaîne alimentaire, on va dire, terminera. Nous, on pense à quoi ? On pense à nos bonnes vieilles consoles nouvelle génération qui vont arriver, donc la PlayStation 5 et la Xbox One X Series X ou Series X. Ouais, je m'y perds avec tous ces X. J'ai l'impression d'être un film de Zbab. Non, mais Phil aussi, il s'y perd. Il faut savoir que Foxconn bosse pour Sony. Les PlayStation, depuis la PlayStation 3, sont fabriqués en Chine et puis au Japon. Donc voilà, il y a de réelles répercussions. Donc au niveau du hardware, donc si la situation perdure, il y aura des répercussions, et c'est certain, ça pourra entraîner des retards de livraison, avec toutes les conséquences que l'on sait, mais aussi dans l'événementiel, parce que tout simplement, il y a l'un des plus grands salons, on met souvent en avant l'E3 comme le plus grand salon du jeu vidéo mondial. C'est loin d'être le cas, l'E3 fait à peu près 70 000 visiteurs. Ça ne cible pas la même clientèle. Enfin, c'est pas la même clientèle, mais en fait, ça l'était professionnel, mais depuis quelques années, c'est ouvert au grand public. Donc 70 000 visiteurs, le salon de Taipei, qui n'est pas en Chine populaire, hein, mais qui est à côté, à quelques kilomètres, on va dire, c'est 320 000 visiteurs, je veux dire. Donc un événement comme ça, si la... C'est autant que la PGW. Ouais. Si si l'événement perdure, il se peut, c'est pas le cas pour l'instant, il se peut qu'il soit tout bonnement et simplement annulé. Ou s'il l'est pas, de toute façon, ça fera, il y a fort probablement que ça fera un bide. Sans compter aussi, et ça c'est officiel par contre, que l'Overwatch League, qui est la ligue d'e-sport de Activision Blizzard, eux par contre, ça y est, c'est annoncé, c'est officiel, la session en Chine, elle est annulée. Donc on voit bien que voilà, la situation, il y a une situation de crise, il y a des mesures qui ont été prises et qui auront des répercussions à court, moyen et long terme sur le consommateur et nous autres joueurs. Ouais. C'est vrai qu'au-delà de, du drame humain qu'il y a sur la conséquence en fait, de cette épidémie, c'est vrai qu'on peut paraître un petit peu sans cœur de parler justement des répercussions qu'il y aura sur les annonces, sur la production des consoles, mais c'est vrai que bon, nous on est spécialisé un petit peu dans la réalité virtuelle, donc on est obligé d'en parler. Mais c'est vrai que ça a forcément des répercussions. On ne connaît pas du tout encore l'ampleur de cette répercussion, mais en tout cas, on tenait vraiment à vous en parler aussi pour que vous soyez au courant et surtout pas étonné de certains reports d'annonces ou certains reports de sortie de matos, quoi. Voilà, alors pour l'instant, il n'y a rien d'acté. Mais voilà, comme on dit, de toute façon, dans l'article, ce qui est rapporté, ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas pour faire un article putaclic. Il y a d'autres sites, il y a d'autres supports qui le font bien mieux. Donc non, nous, ce sont des faits, les faits sont étalés. Voilà, on vous donne ça comme info. Voilà, après, à partir de ça, vous faites votre château de cartes. On vous a donné les cartes, à vous de le faire et en penser ce que vous voulez, quoi. Mmh. Voilà. On ne dit pas que c'est la fin du monde et qu'on va tous se transformer en zombies, non, loin de là. Voilà. Mais de toute façon, dans l'économie, dès qu'il y a la production industrielle, dès qu'il y a un grain de sable dans le mécanisme, ça entraîne des délais de maintenance et donc des reports. Voilà, il y a quelque chose, il y aura une incidence. Et là, la première mesure active de cette conséquence, c'est l'Overwatch League qui a été annulée. Voilà, ça c'est le premier événement. Et ça, c'est un fait. Premier point. C'est pas une spéculation. Voilà. Non, mais c'est intéressant et très pertinent. L'intérêt du dossier, en tout cas, c'est, comme toujours, de provoquer la discussion, le débat et d'avoir un petit peu les avis. De faire ouvrir les yeux aussi, d'ouvrir un peu l'esprit des gens. Un débat intelligent et ouvert, quoi. Voilà, parce que on a déjà eu des individus qui vont comment dire oui je veux pas les cataloguer non plus, enfin si je pourrais mais je préfère censurer c'est un virus, oui c'est pas la fin du monde, oui la grippe tue plus de gens dans le monde, oui ok on n'en parle pas, sauf que jusqu'à présent la grippe, hormis au début du XXe siècle à l'issue de la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole qui est une variante, une mutation du virus d'origine qui a fait 30 millions de morts. Voilà. Mais nous, à l'heure aujourd'hui, il y a des mesures nationales et internationales qui ont été prises. Il y a des gens, des dizaines de millions de gens qui sont bloqués. Air France vient d'annuler tous ses vols à destination de la Chine. La Russie a bloqué sa frontière commune avec la Chine. Alors, on est peut-être dans de la politique ou dans un jeu de politique ou autre, mais quoi qu'il en soit, ce sont des mesures qui ont été prises et qui auront indubitablement une répercussion sur quelque chose, sur un événement, et qui au fil aura peut-être, si ça dure, une répercussion sur le joueur. Donc pour l'instant ça doit pas intéresser grand monde, mais si dans quelques semaines voire mois, si la situation perdure, on vous dit finalement c'est officiel, pas de PlayStation 5 ou de Xbox Series X pour la fin de l'année à Noël, voilà, vous aurez déjà eu en amont quelques faits, quelques éléments qui vous permettront de comprendre pourquoi. Voilà, peut-être un peu trop tôt, trop précurseur, mais je pense que d'ici quelques jours ou dans la semaine à venir, ces éléments vont être repris, ça a déjà été le cas, donc ça veut dire qu'on est lu, qu'on est suivi, parce qu'on est quand même les premiers à en avoir parlé. Il faut savoir qu'il y a des médias, notamment Washington Post, qui relaient des informations qui vont dans ce sens-là, dans cette direction-là. Donc ce sont des journalistes, eux, professionnels et de grande volée, de grande altitude. Je pense qu'il se passe quelque chose et il y aura une répercussion sur nous autres joueurs, consommateurs. Il peut y en avoir, quoi. Après, c'est pas sûr, mais il peut y en avoir. T'en as une déjà, si toi t'es un fanat sur le sujet qui nous intéresse le plus en l'occurrence. Pour la sortie des prochaines consoles, il peut y en avoir aujourd'hui. Si je prends Foxconn, là, donc bien qu'ils aient décidé de ménager leurs employés et de repousser au 15 février leur retour de vacances, entre guillemets, on va dire, vacances forcées pour le coup, mais bien méritées, je pense, parce qu'eux, ils n'ont pas 5 semaines par an. Ils disent bien que tout va bien, ils ont du stock et compagnie, oui pour l'instant, voilà. Ouais. Et c'est vrai que du coup, déjà qu'on trouvait la communication de Sony un petit peu nébuleuse, voire même brumeuse ces derniers temps. C'est surtout des rumeurs en fait qui circulent et rien de très très concret ni d'officiel. On pense aussi que ce genre d'événement mondial va pas arranger les choses quoi. À ce niveau-là, je sais pas si. Tout dépend le mode de communication qu'ils ont décidé d'employer. Bah pour le moment, il n'y en a pas trop, justement. Non, mais enfin, si on part du principe que ça peut retarder une éventuelle annonce ou présentation ou quoi que ce soit, tout dépend le mode de communication qu'ils ont décidé d'employer. Voilà, on parle du salon du Taipei Games Game Show 2020. Il y a un recentrage de tout ce qui est com et de la maison mère vers l'Asie. Hein. On a bien vu, il y a pas mal de ricains qui ont dégagé de l'administration. Il a été avancé à un moment qu'il était probable qu'il puisse parler de la PlayStation 5 durant cet événement-là. Bon, ben voilà, là aussi ça peut être une répercussion. Encore une fois, le salon n'est pas annulé pour l'instant, mais dans les jours qui viennent, ça peut être le cas. Donc, quel serait l'intérêt de la part de Sony de parler de sa future console à cet endroit-là, s'il n'y a pas grand monde, si ce n'est pas couvert médiatiquement au niveau mondial? Voilà, c'est des répercussions qui seront de moindre échelle. Voilà, on ne parle pas de l'annulation de la console ou quoi que ce soit, mais voilà, on est en train de d'effleurer du bout des doigts ce qui sera demain, quoi. Voilà. Bah, tu sais, moi, je serais pas contre une présentation en interne au Japon avec un minimum de personnes. La com se ferait toute seule, hein. Enfin, et refaire un deuxième événement en guise de présentation officielle et tout. Je pense pas. C'est bien de faire venir un parterre de journalistes professionnels. Franchement, regarde aujourd'hui c'est comment a été présentée la Xbox Series X. Oui, durant un événement. Voilà, un trailer. Ouais, mais c'est un trailer au milieu de nulle part, si tu veux. Ouais. Après, c'est un événement parce que ils étaient là à ce moment-là et qu'ils avaient la possibilité de l'être. Ce que je veux dire, c'est que si jamais ils sont bloqués à cause de ça, il va quand même falloir qu'un jour ils prennent la parole. Je serais pas contre ce genre de mode de communication. Si tu veux. Enfin, je sais pas si ils peuvent très bien se faire une conférence chez eux en interne dans un salon avec, je sais pas, ils prennent 500-600 personnes, des clapeurs. Et ils te font la présentation de la console comme ça. Je ne sais pas s'il y a une notion de... Pas oublier, on parle de Sony japonais. Il y a une notion de... Alors, je me trompe sans doute, hein, c'est mon interprétation, ma vision. Comment dire, il y a une notion de tradition. Voilà. Donc, même si cette année, ils ont fait l'événement qui tournait sur le web, sur un mode de communication nouveau pour eux, avec YouTube, avec Facebook, State avec Twitter, le State of Play, voilà, cherchez le nom, j'essaie de gagner du temps. Merci. Et ça, c'est nouveau pour eux, mais je sais pas, alors voilà, c'est ma vision de la chose. Je pense que leur côté tradition veut que ça soit une présentation en bonne et due forme de leur futur fleuron et gagne-manger, quoi. Gagne pas. Ouais. Mais c'est surtout, je pense, au niveau de la production que ça risque de poser problème aussi. Hein. Au niveau de la production, s'ils savent qu'ils vont prendre un retard de plusieurs mois parce que les usines sont fermées ou parce que voilà, il y a des problèmes d'acheminement de matières premières ou quoi que ce soit, ça, peut-être qu'ils vont changer justement aussi leur fusil d'épaule et peut-être leur planning de présentation de la console parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas tenir leur planning de production. Il y a ça aussi qui vient. Mais ça, on va le savoir, comment dire... On va dire très rapidement, façon de parler, j'en reviens au virus, la période d'incubation est de 14-15 jours à peu près. Ouais. Donc, on va dire d'ici 3 semaines, on va voir si c'est encore exponentiel ou pas. Voilà, si c'est exponentiel d'ici 3 semaines, là il y aura des questions à se poser sur les incidences au niveau de la production. Ouais. Okay. Le tissu industriel local, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et ça sera pas de la rumeur là, par contre ça sera vraiment du concret. Ouais. Déjà qu'il y a certains, mais on l'est déjà, regarde, je te parle de d'ici 3 semaines, mais le 15 février, c'est d'ici 15 jours, quoi. Voilà, donc c'est pas anodin que Foxconn, qui, je le répète, produit les PlayStation 4 mais aussi la Xbox, décident pour le bien-être de leurs salariés, c'est ce qui a été dit, hein, de repousser leur rentrée à mi-février. Donc, voilà. Et c'est tout à leur honneur aussi, hein, quand même. De... Ouais, ouais, ouais, parce que c'est pas leurs habitudes. Excuse-moi, j'ai pas bien compris. C'est une société chinoise qui fabrique la Xbox ? Ouais. Console d'une société américaine, donc. Oh oui, non, mais là, hey, tu vis dans c'est le monde des bisous, c'est macho. Ouais. Souviens-toi, la guerre smartphone Samsung et Apple. Apple a fait des procès à Samsung et ont gagné, alors que c'était Samsung qui produisait les écrans. Donc, bon. voilà, c'est du business, là, voilà. La planète, c'est formidable. Ouais. Ah, l'être humain est formidable. Ok, très bien. Bon, bah du coup. Je te dis même plus, Majo. Foxconn, c'est un groupe industriel taïwanais. Donc rien à voir avec la Chine populaire. Hein. Et pourtant, ils produisent en Chine populaire. Ouais, alors là, à la base, les deux pays peuvent pas s'encadrer. Hein, donc c'est, hein, c'est à l'indépendance. Hein. Donc tu vois. Comme quoi. Bah, ils peuvent s'entendre. L'économie, ça unifie. Ça crée les des liens. C'est, beau, ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. On dit toujours que c'est pas bon, mais en fait, non, tu vois, ça resserre les liens entre des pays. C'est une pleine guerre froide. Ça. Ouais, non, mais c'est ça. Donc voilà, mon ennemi et moi. On trouvait intéressant de faire ce sujet-là. Oui. Voilà, alors bien perçu, mal perçu, on s'en fout à la rigueur, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de présenter des faits concrets. Voilà, en ce moment, l'actualité, tout le monde cherche des infos sur le PlayStation 5. Beaucoup en profitent en mettant le bouton on-off, on-off, on-off, on-off, on-off, on-off. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Voilà, ben nous, on vous apporte des faits concrets. Vous en faites ce que vous voulez après par la suite. Voilà. Voilà. Boum, punchline. Yes. Ouais, merci, VR Immersive Educative. Education, pardon. Education. Ouais. Ouais. Ah ouais, alors Immersive VR Education. VR Immersive Education. Ouais. On revient dessus vite fait, genre pour dire parler du PSVR 2. Voilà, apprendre entre guillemets avec des pincettes, avec tout ce que vous voulez et finalement. Ah oui, bah alors de ça, démenti, vous en pensez quoi? Démenti politique. Vous pensez que c'est un démenti voilà, politique dans le sens. Oui, il y a eu une véritable erreur et c'est un souhait. Nous espérons qu'il y aura un casque PlayStation VR 2 en 2020 ou c'est Sony qui a dit oh Coco t'es bien gentil mais tu me laisses gérer à la com hein, puis, voilà tu vous en pensez quoi vous de ça? Ah bah moi je pense complètement que c'est ils sont fait taper sur les doigts et voilà quoi. Ouais. Je sais pas mais en tout cas c'est dur de se tromper en faisant des phrases aussi longues et claires quoi enfin voilà et pointues dans la manière d'exprimer le sujet enfin. C'était assez péremptoire quand même ouais. Il n'y avait pas d'interprétation possible. Quoi. Ça ne peut pas être un appel du pied en disant allez, on a besoin que vous bougiez un peu parce que. Ou ça peut être un gros troll de la part de Very Massive Education et puis ils se sont fait un gros coup de pub grâce à ça. Hein. C'est aussi possible. Ouais, parce que bon, ouais. Si on se souvient bien, donc ils ont sorti trois. Alors, ce n'est pas des jeux, c'est des expériences éducatives, on va dire. Donc, la première, c'était Apollo 11, super hein, à l'époque. Qui est d'abord sorti sur PC, puis est venu sur PlayStation VR. La deuxième, c'était Titanic, que tu as participé, Sei, yes. À la réalisation du test. Donc d'abord oui, sorti test, sur pas PC. j'y ai cru. Mais non, oui, oui. donc d'abord, il me semble bien, hein, c'était sorti sur PC et après sur, assez rapidement sur. Et tout est fait. Ouais. C'est ça. Et là, par contre, le dernier, donc c'est Laurent qui en a fait le test, c'est Shuttle Commander ou quelque chose comme ça. Et là, par contre, c'est virage à 180 degrés. C'est d'abord sorti sur PlayStation VR. Je suis même pas sûr que ça soit. Si, je crois que c'est sorti depuis sur PC VR. Et ça, c'est à l'époque, ça m'avait déjà surpris cette façon de procéder. Et tout corroborait bien avec l'annonce du boss de VR Immersive Education. Comme quoi j'avais l'impression qu'il y avait vraiment des liens étroits qui s'étaient noués entre Sony et le studio. Alors voilà, est-ce que ça a été un appel du pied du studio pour dire bon ben, on a vraiment d'un nouveau support de casque pour produire? C'est pas les premiers à avoir fait ça aussi hein. Il y a le boss de Polyphony Digital qui a déjà tapé du pied ou du poing sur la table. Il y a From Software ouais, aussi qui a fait de même. Excuse-moi, je te coupe, mais alors lui, il sait des trucs. Ah oui, bah. Oui. Quel Yamauchi Kazunori Yamauchi, Yamauchi ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Le boss de Polyphony Digital, lui, c'est obligé, il sait des choses. Ils sont trop proches depuis des années. C'est sûr, ce qu'il dit, il faut le prendre. Donc vous, concernant l'info du casque en 2020, vous pensez que c'est un démenti politique en disant « Coco, la com, c'est moi qui la gère ». Alors, en disant ça, ça ne veut pas dire que le casque PSVR 2 sortira ou sera annoncé en 2020. Ça, j'en sais absolument rien et je ne pense même pas. Stratégiquement, je ne pense pas qu'il sortira avant 2021, voire même 2022, le temps d'écouler les stocks du PSVR premier du nom, qui sera compatible sur la PS5. Je ne veux pas vous cacher, moi, ça me fait chier. Hein. Mais le fait que le gars de VR Immersive Education annonce quelque chose de façon aussi premier degré, et qu'après il fasse un démenti deux semaines après en voyant que tout le monde en parle, les youtubeurs, les médias, etc. Ouais. Je pense que c'est Sony qui a dit non, Coco, reste tranquille quand même. Moi, 2022, j'y crois pas. 2021, encore, pourquoi pas. Mais en fait, moi, il y a juste un truc qui me fait dire que j'y pense. Enfin, je suis pas d'accord avec toi, Saï, du coup. C'est qu'ils sont, dans la politique en ce moment de mid-gen. Et dans cette partie mid-gen, ça te permet d'avoir. Un prime access, si tu veux, entre guillemets pas cher, entrée de gamme, et un truc un peu plus élaboré qui va taper plus haut et plus cher. Mmh. Et du coup, s'ils sortent le PSVR 2 et qu'ils gardent la première version en même temps en vente, si tu veux, ça leur permet d'avoir cette situation de mid-gen comme on a eu avec la PS4 Pro. Deux gammes différentes. Ouais. Et voilà, et qu'ils veulent faire aussi visiblement avec la prochaine génération. Donc je pense qu'ils vont rester dans cette optique, enfin selon leur dire, je pense qu'ils vont rester dans cette optique-là parce que c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir adopter. Et ce serait pas une mauvaise idée. Ouais, puisqu'on sait que le casque actuel sera compatible avec la PS5, je vois pas quel intérêt ils auraient à ne pas lancer le nouveau courant 2021, quoi. Vraiment. Et même 2020, mais en fait je me faisais la réflexion, c'est que 2020, est-ce qu'il parlait d'année civile ou d'année fiscale? Parce que l'année fiscale de 2020, je crois que c'est de mai à mai que ça va en fait, c'est pas du 1er janvier au 31 décembre, donc ça, si la console sort, je sais pas, mettons novembre-décembre, ça laisse encore... Là tu parles de l'année fiscale française. 4-5 mois quoi. Il faut voir l'année fiscale du pays en question quoi. Je suis pas sûr que ça soit international, je sais pas, je pose l'interrogation. Ça, je sais rien du tout. C'est ton raisonnement est intéressant, mais si c'est international, c'est sûr que ça prend du sens. Mais bon, 2022, j'y crois pas personnellement. Moi, je pense parce que sa phrase, c'est en 2020, Sony lancera la PlayStation 5 et une nouvelle version du casque PlayStation VR. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Enfin, c'est ce qu'il avait écrit. Donc c'est lancera et le verbe c'est bien lancé, c'est pas. C'est pas annoncé. Ouais, voilà. Ouais, ouais, bon, non, comme le démenti dit que c'est le service commercial qui s'est trompé. Ouais. Tu fais gaffe à ce que tu racontes. Quoi. Ouais, non, c'est ça. Les gens sont sur les dents en ce moment. Ouais, c'est ça. Ne serait-ce qu'avec. Bon, alors voilà. Est-ce que normal, lancer un hardware, ça veut dire. Ça peut être interprété de deux façons, commercialisation ou annonce. Dieu seul le sait. Enfin, bon. Tout ça pour dire. Il y a des stagiaires partout. Revenir au truc, c'est que voilà, il y a annonce, rumeur, démenti, rumeur, démenti en ce moment, et c'est un peu gavant. Quoi. Et je rebondis, j'en profite, Sey, sur ce que tu as dit précédemment, de prendre le temps d'écouler les stocks du PlayStation VR. Donc là, je saute, je bondis tel un chien d'attaque sur le Biftech. C'est beau, attaque. Voilà, avec ce fameuse rupture de stock de PlayStation Move, pas mal d'interrogations ont fleuri, plus cette annonce de Immersive VR Education sur le devenir des casques et notamment pourquoi cette rupture. Donc on ne savait pas si c'était tout simplement des stocks qui étaient inexistants et quelques ventes supplémentaires de fin d'année qui ont commencé au Black Friday, je parle du PlayStation VR, ont fait qu'on soit en rupture de stock ou tout simplement que les ventes du dernier trimestre ont explosé, les ventes du PlayStation VR ont explosé. On sait que durant le CES début janvier, Sony ont annoncé les ventes officielles du casque, donc portées à 5 millions d'unités depuis octobre 2016. Sauf que la particularité, c'est que pour faire le million, il aura fallu cette fois-ci entre 10 ou 11 mois pour réaliser le million, alors qu'habituellement il le faisait au bout de 7-8 mois. Et là enfin on a les chiffres, alors pas de Sony mais de ah comment il s'appelle, ça y est, je perds la boule. Merde, Super Data, donc qui est une filiale de Nielsen Company qui est spécialisée dans tout ce qui est statistique, réputée mondialement, qui ont sorti les ventes de casques au quatrième trimestre. Donc ça concerne le PlayStation VR, l'Oculus Quest, le Valve Index, Oculus Go et Oculus Rift S. Et on se rend compte encore une fois que le PlayStation VR est le casque le plus vendu sur ce dernier trimestre. Donc avec 338 000 unités, c'est un beau score hein, sur 3 mois, c'est pas mal. Il revient sur ses bases de 8-9 mois pour faire le million, suivi de près, il faut le dire, par l'Oculus Quest avec 317 000 unités écoulées. Qui a vraiment percé lui. Hein. Ouais, alors on va y revenir sur ça aussi. Le Valve Index qui lui s'est écoulé à 103 000 unités, sachant Merci que... Merci Half-Life. Ouais, voilà. Sachant que lui, par contre, il a été écoulé, lancé en 28 juin 2019 et le Quest le 21 mai 2019. Et qu'il est en rupture de stock depuis un bon moment, le Valve Index, ce qui fait qu'il aurait pu vendre beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, je reviens aux dates de lancement. 21 mai 2019 pour le Quest, il s'est écoulé en tout 700 000 unités. Le Valve Index... 28 juin 2019, il s'est écoulé 149 000 unités, sachant qu'il est en rupture de stock. On voit que le marché de la VR se porte quand même pas mal. Il faut savoir que le casque Valve, il est à 1000 balles, c'est pas rien. Ouais. Voilà, bon, je passe sur l'Oculus Go et le Rift qui font moins de 85 000 unités chacun. Donc, ce qui est quand même paradoxal, excuse-moi je te coupe, avec l'autre statistique qui est tombée avec les développeurs qui préfèrent développer sur Oculus que sur d'autres, le fait qu'il n'y ait que des Quest en vente et pas de Rift sur PC, ça veut dire qu'ils sont plus enclins à les développer sur du Quest que sur du PC, les développeurs VR. Je sais pas si vous avez vu cette stat tomber. Ouais, alors c'est surprenant. Oui. Ouais. C'est assez surprenant effectivement. Ouais. C'est peut-être parce que, je sais pas, déjà les jeux sur Oculus Quest ont besoin peut-être de moins de ressources, donc du coup de moins de taf. J'en sais rien, c'est peut-être l'écosystème derrière. C'est le même, hein. Je trouve que c'est plus facile de développer sur PC et de le porter sur Quest que de l'amener sur PSVR, par exemple. Peut-être, je sais pas. Il faudrait en discuter avec un dev. Ouais, ce que j'allais dire, il faudrait demander à un dev. Bah, enfin voilà, donc le PSVR, il se vend bien encore, quoi. Donc effectivement, quand un casque se vend bien, on n'a pas envie de le remplacer. Ouais, bon après, il se vend bien. Je comprends qu'ils aient pas envie de le remplacer, mais c'est pas le remplacer, c'est le compléter. Moi, je le vois pas comme un remplacement, si tu veux. Voilà, alors on a soit une évolution matérielle, c'est-à-dire une mise à jour technique, comme a fait Oculus avec le Rift S. Hein. C'est pas une nouvelle génération de casque. Hein. C'est une mise à jour du Rift. Soit ils peuvent pencher pour faire une opération à moindre coût, c'est-à-dire faire juste une mise à jour matérielle. L'inconvénient se posera tout simplement nos contrôleurs VR, encore une fois. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste encore sur la détection par LED, par... Enfin, moi, si c'est ça, j'en veux pas, quoi. C'est non, mais niette, la caméra, sur quasiment tous les brevets, elle y était. Hein. Oui, mais alors... Sur le casque. Voilà. Sur la télé. Il me semble qu'il y a un capteur aussi. Alors à ce moment-là, tu repars avec une nouvelle caméra, un nouveau bundle. Non, mais tu peux avoir les deux, qui peut le plus, peut le moins. Tu peux avoir aussi une captation frontale et être géré par des caméras sur ton casque. Ouais, à ce moment-là, tu fais un nouveau casque, quoi. Ils feront ce qu'ils veulent, mais ouais, si c'est juste pour apporter une meilleure résolution de dalle, aucun intérêt pour moi, quoi. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois quand même ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi il y a eu des ruptures de merci, il est tard, je suis fatigué. Les ruptures de stock, moi j'aimerais bien savoir justement à cause de quoi, qu'est-ce qui est dû est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est un problème de matières premières, de fabrication et de planning de fabrication, auquel cas à mon avis ça va pas s'arranger justement avec ce qui se passe en ce moment. Ou est-ce que c'est congestionné parce que les fabricants et ceux qui vendent, et les constructeurs, sont un petit peu frileux tu vois, ils balancent en fait un certain nombre de casques sur le marché, mais sachant pas s'ils vont les vendre dans l'intégralité, mettre un petit peu en sous-stock pour être sûr de tout vendre, tu vois. J'aimerais bien savoir pourquoi. Bon, le PSVR, ils ont pas fait ça. Enfin, hormis les PS Move, la rupture de stock, c'est la seule qu'on a connue, quoi. Non, le PSVR, au tout début, quand il était sorti, moi, je l'ai acheté juste avant la première rupture de stock. Hein. Et après, t'en as pas trouvé pendant des mois. Hein. C'est vrai. J'avais oublié ce passage. Et voilà, donc que ce soit... Mais là ça se refait à nouveau sur le Valve Index. Et puis, et t'avais dit quoi tout à l'heure, Cyril? C'était non, c'était le seul d'ailleurs qui était en rupture de stock. Ou l'Oculus Quest aussi, non? Je sais plus. De quoi? Non, le Valve Index. Le Valve Index est en rupture de stock. Il n'y a que le Valve Index, mais là, en plus avec un prix... voilà. Ouais, c'est ça. Mais bon, il y a le côté Half-Life aussi. Ouais, mais tu joues avec n'importe quel casque Half-Life. Enfin, ouais, si tu te renseignes un minimum, tu sais qu'avec le Oculus Rift S qui est peut-être pas. Trois fois moins cher ouais, et aussi performant, sauf peut-être pour les contrôleurs, tu obtiens le même résultat, quoi. J'avoue que les contrôleurs ont l'air top quand même. Ouais, alors pour revenir à ta question, je pense que c'est une convergence un peu de tous ces facteurs-là. Hein. Je pense que les stocks de PlayStation Move n'étaient pas optimaux, tout simplement parce qu'on est en fin de génération. Deux, il y a eu un sacré rebond des ventes. On le voit, de quasiment 12 mois pour faire le million, et là, en 3 mois, ils en sont à 338 000 unités. Donc la baisse de prix de fin d'année, les bundles qu'ils ont fait à 200 balles, bon, ben, ça a porté ses fruits. Et puis je vois pas l'intérêt pour un industriel de créer la pénurie. Justement, je parle pas de créer une pénurie, mais de sous-estimer en fait les ventes. Ah ben là voilà, c'est ce qu'on dit. C'est plus un problème d'étude de marché en fait. Oui, je pense qu'ils sont en fin de gêne, ils ont mal évalué l'intérêt de la VR d'une part. Hein, je pense que c'est ça. Hein, voilà. Ouais, il y a des chances. Ouais. Ouais, c'est une conjonction de tous ces facteurs-là, un stock de base qui n'était pas assez conséquent. Alors bon, ça peut se paraître surprenant quand on voit sous notre prisme à nous. Tu fais des jeux qui vont nécessiter les PlayStation Move, donc Iron Man et normalement Dreams, et tu penses pas à régénérer tes stocks de Move. Il y a peut-être une pénurie de matières premières, et puis avec les bundles qu'ils ont fait pour Noël et tout ça. Matières premières, là, c'est du plastoc et. Ouais, mais tu sais pas, il y a une chaîne de prod qui a brûlé ou. On aurait une trace de tout ça quelque part. Ouais. Ah ouais, tu crois? Ouais, je pense, ouais, en cherchant bien. Ouais. Peut-être, bon, même. J'ai plus d'arguments pour défendre PlayStation alors. Non, parce que cette histoire de rupture de Move, ça a quand même été viral, donc. Bon, ça n'a pas été un problème franco-français, donc je pense que pas mal de monde ont dû se pencher sur le sujet, et si tout le monde était à la quête d'informations, donc voilà, d'habitude, quand une mouche elle pète de travers, tout le monde, la planète entière le sait, donc ouais. Ça, le problème, c'est qu'on n'a pas de source, quoi. Il nous faudrait des sources. Ouais, ce serait intéressant. Faudrait que Sony prenne la parole, en fait. On en revient toujours à la même chose. Faudrait que Sony parle un peu, qu'il se décide, PlayStation, là. C'est ça. Dites quelque chose. On est tous d'accord là-dessus. Dites-nous un petit mot. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous attendez la PS5? Voilà, comme tu disais, Majo, là, on les retrouve. Ils seront de nouveau disponibles à la fin de la semaine et début de semaine prochaine. Donc, bon, ils ont été réactifs. Il n'y a pas de. Ouais, ça a duré quoi? Un mois, quoi. Ouais, un mois. Mais ça l'a foutu mal quand même, quoi. Je me mets à la place des. Des nouveaux acquéreurs, tu as plein de jeux qui, je crois que tu as 125 ou 123 jeux, je crois, avec exclusifs au PlayStation Move. Bon, mais déjà, tu t'amputes de ça, quoi, c'est dommage. Ouais, et puis en plus, quand tu achètes un casque aujourd'hui, il y a très peu de gens qui jouent à la manette, hormis si le jeu n'est jouable qu'à la manette. Donc bon, c'est vrai que c'est un indispensable, quoi. Ça devrait être vendu avec, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Ouais, bah ça sera certainement pour. Ouais, bah ce que font tous les casques. Ouais, ils ont jamais fait les autres casques avec les Move. Bah peut-être que pour la prochaine génération, justement, ils le feront. Bah, en 2022. Arrête. Tu crois pas? Allez, on prend les paris ce soir, les gars. On prend les paris. Moi, je m'en fous. Moi, je joue sur PC aussi. Donc, on est Pour on est tous visionnaires, tout le monde sait ce qui va se passer avant tout le monde. Prenons les paris. C'était café de thunes, quoi, c'est un truc de dingue. C'est ça, l'argent n'est pas un problème. Et remarque, si tu revends ton WMR, vu le prix qui coûte neuf, tu vas pouvoir te faire un peu d'argent, ça. Il coûte 200 balles. Il coûte 200 balles neuf. Et je l'ai vu encore en promotion. Non, moi je l'ai vu neuf, il est à 450 balles. Ou 400 balles. J'ai regardé la semaine dernière le mien, justement. Le HP, je l'ai retrouvé à 200 balles sur le net. Donc le même prix que je l'ai acheté le mien. À l'époque. Mmh. Donc ça vaut le coup. Faut juste chiner et tomber sur la bonne promo, quoi. Et puis au bon moment. Et puis il y a moyen de jouer pour les cartes graphiques, ça pique un peu. D'ailleurs, ça va bientôt être les WMR. Ça va bientôt faire partie du rétro gaming, non? Bah ça l'est déjà. Ça l'est déjà. Hein. Et puis je t'avoue que vu le confort et ça va, la qualité, ça va. Mais c'est le confort du casque, en fait. Je vous dis, hein, je suis fébrile de le changer, mais c'est con de le changer maintenant pour avoir un gain de résolution. Même pas de résolution, mais de confort surtout. Il est pas confortable, en fait. Il me pourrit. Alors va pas chez HTC. Hein. Non, surtout pas. Non, t'inquiète, j'ai essayé. Je déteste les HTC Vive. J'arrive même pas à respirer dedans. Ils sont trop lourds, quoi. C'est impressionnant. C'est super lourd. Non, j'aime pas. Bon, je pense que là, il faut attendre l'année. Il va y avoir la nouvelle génération. Mais vraiment, là, avec le Quest, Oculus, ça va annoncer qu'ils en avaient fini de la première génération de casque VR. Même le Valve Index, c'est pas une nouvelle génération, en fait. Hein. C'est une évolution. C'est une évolution. Peut-être au niveau des moves, au niveau des contrôleurs, c'est peut-être. Ouais, sans doute. Là, par contre, oui. Là, ils ont mis le paquet sur ça. Mais au niveau de résolution, au niveau, il n'y a pas l'eye tracking, il n'y a rien de tout ça. Donc, les prochains casques, la prochaine génération de casques, et on sera dans la phase 2, ça va devenir vraiment intéressant, quoi. Mais ils ont développé des contrôleurs aussi à retour haptique, pour chaque doigt. Je ne sais pas si tu as vu, c'est un espèce de gant, en fait, un gant mécanique monté sur vérin, avec des espèces de scratch que tu t'attaches au bout des doigts. Et en fait, quand tu veux resserrer les doigts, si tu veux, tu as un effet de résistance. Mmh. Donc pour attraper des objets, tout ça, tu sais, ou des trucs. Genre une batte de baseball. Voilà, tout à fait. Pour jouer avec tes potes. Tout à fait. Mais ils en ont parlé, je crois, au CES d'ailleurs, de ça. Ils ont développé ça, donc c'est pareil, tu vois, des contrôleurs. Il y a quand même encore des gens qui cherchent à développer des trucs. Celui qui, à l'heure d'aujourd'hui, dit que la VR, elle est morte, c'est un gros con, quoi. Faut dire ce qu'il y a, quoi. Ouais, voilà. Il n'aime pas il n'a pas essayé. C'est toujours pareil. Si les industriels se lancent encore dans l'aventure, c'est qu'il y a du pognon à se faire. Donc là où il y a du fric, ils vont. Voilà, t'as Samsung qui est en partance pour faire un nouveau casque. Il n'est qu'à l'état de brevet, mais en tous les cas, il est existant. C'est le nouveau casque de Ant-Man 3. Ah oui, c'est ça, c'est les yeux de mouche là. Moi je trouve pas ça idiot, quoi. Alors je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, bien entendu, mais moi je verrais bien des écrans. Ils sont quand même spécialisés dans les écrans souples. Pourquoi pas faire des écrans souples et t'agrandir ton fauve et pas avoir un casque large de 45 cm comme les Pixmax. C'est important ça. Voilà, t'as Panasonic qui se lance aussi. Alors là, c'est intéressant dans des lunettes VR. Je pense que là, c'est plus pour du support. C'est de l'AR. À mon avis, c'est de la réalité augmentée plus que de la VR. Ah, c'est présenté comme VR. Hein. De toute façon, c'est 5G et tout ça. Donc là, on se rapprocherait plus sur du casque quand même. J'ai l'impression du casque Quest ou des choses comme ça, quoi. Ça bouge, c'est bien. Il y a des acteurs historiques, il y a des acteurs, des nouveaux acteurs qui sont sur le marché. Il y a des nouvelles puces qui sont développées par Qualcomm. Il y a des nouvelles dalles. Il y a une véritable économie qui tourne autour de la VR et de l'AR également. Hein, faut pas la mettre de côté. De plus en plus importante. Hein. Donc celui à l'heure d'aujourd'hui qui dit que la VR c'est mort, c'est un gros con, il a rien compris à la vie, quoi. Il a rien compris, pas parce qu'il est idiot ou qu'il est con, justement parce que il faut qu'il enlève ses œillères, quoi, qu'il regarde le monde, la planète elle est ronde. C'est ça. Il verra mieux dans le nouveau casque à Samsung. Voilà, en mode mouche, comme une mouche. Ouais, mais écoute, si t'as une qualité, un confort, non, mais oui, comme tu dis, ce sera peut-être la méthode révolutionnaire pour améliorer le champ de vision. Avoir encore plus l'air d'un con, c'est révolutionnaire, ça. Non. Ouais, mais ça, tu te vois pas dans tous les cas. Ouais. T'en fous. Et puis de toute façon, tu t'en fous de ce que pensent les autres, du moment que tu prends du plaisir. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu peux rebondir sur un truc salace. Tu peux les buter en VR après. Je regarde ce casque là de Samsung vu de face. Alors tout le monde pense à une comment ça s'appelle à une mouche, mais là pour le coup quand je le regarde, j'ai plus l'impression à une paire de fesses avec l'arrêt du string. Là, c'est... Tout de suite. Ah ouais, non, mais allez voir sur le site la photo, la partie rouge. Ah ouais, c'est une paire de fesses. Ouais, t'as une tête de cul, quoi, en gros, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est pas mal. Ouais. Bon, très bien. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on en saura plus dans 2 semaines. Et on en savait moins il y a 2 semaines. Voilà. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui vont bouger. Donc voilà, c'est plutôt cool. Là, on va penser aux possesseurs de PSVR actuels et revenir un petit peu sur les promos qu'il y a en ce moment, qui sont croustillantes sur PSVR. Ah oui, on a zappé cette histoire de promo. Alors, c'était moi. Et bien sûr, tu as tout préparé en avance. Voilà, alors, les promos. Alors, bon, voilà, les promos, c'est les sempiternelles promos du PlayStation Store. Donc, nous, qui touche les jeux flat et les jeux VR, nous, on se focalise bien entendu sur les jeux VR. Donc, le cru du mois de janvier est moins prononcé, moins alléchant que celui du mois de décembre qui là avait été pentagruélique. Alors il n'y a que 12 jeux, ça va durer jusqu'au 6 février, mais parmi cette liste il y a des jeux sympas comme Il est Noir, il y a Déraciné, il y a Rush VR, Gun Club, enfin allez voir sur le site la page promo de toute façon, ou si vous ne la trouvez pas vous tapez dans le moteur de recherche du site promo et vous allez voir. Donc il y a Space Junkies qui a un prix défiant toute concurrence à 5€. Non, il y a des trucs pas mal quoi. Voilà, il n'y a que 12 titres, je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est intéressant. Voilà, jusqu'au 6 février, il y a des rabais importants sur certains jeux qui valent le coup. Ok, très bien. Et bah du coup, plein de bonnes choses pour les nouveaux possesseurs ou ceux qui ont le PSVR depuis un bon moment, il y a de quoi faire en tout cas. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a toujours quelque chose. Ouais. Voilà, c'est ça. Pour les nouveaux, il y a plein de choses. Pour les anciens, bah, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Ouais, il y a du gratuit, il y a du payant. Il y en a pour toutes les bourses. C'est ça. Oh, c'est beau ce que tu dis. Et bah, très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour, les loulous. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Avec vos beaux accents pleins de soleil. Ouais. Avec plaisir, comme d'hab. Il y a un petit moment que je n'avais pas fait d'émission en plus. Donc, tu vois, c'est avec un grand plaisir. C'était le temps de cuver le jour de l'an en fait. Non mais je sais même plus quand est-ce que j'ai fait la dernière. Mais je crois que c'était justement celle, c'était en 2019, c'est sûr. La dernière, mais je crois que t'as fait la dernière de l'année. Hein. T'avais fait la dernière de l'année. Ouais, avec c'est ça, il me semble. Ah ouais, je sais plus. Il me semble. Ouais, tu t'en souviens plus, il y a tellement de titres qui ont passé depuis. T'en as loupé que 2 ou 3. 2 ou 3, c'est beaucoup déjà. Bah, quand il les hostera, à mon avis, ça va passer vite. Bon, on remercie aussi tous les auditeurs de nous soutenir, de nous écouter, d'écouter nos conneries. Ça fait toujours bien, bien plaisir. Venez discuter un petit peu avec nous sur le site. Laissez-nous des étoiles plein les yeux sur iTunes. Je le répète, hein, c'est pas pour faire la manche, hein, mais c'est important pour le référencement du podcast. Et donc, c'est tout est gratuit, on gagne rien dessus, mais on se nourrit de votre amour. S'il y en a un qui veut venir participer participer à une émission, il peut aussi, hein, faut se signaler, voilà. Faut se manifester, faut avoir quelque chose à dire aussi. Oui, bien sûr, c'est pas juste pour faire clapper, hein. J'aimerais bien inviter un troll, un anti VR, un de ces quatre. T'as un gars vraiment qui... Non, qui pas un troll, alors un troll. Non, un anti-VR, mais je... Oui, mais quelqu'un de... Enfin, constructif. Avec qui tu peux avoir un débat sensé et constructif. Ouais, avec c'est un ça que tu veux dire. Foi. Avec un petit peu de mauvaise foi aussi, quand même, histoire qu'on le démonte comme il faut. Un mec qui dit la VR, c'est nul, mais t'as déjà essayé. Ah bah non... Bref, c'est une idée comme ça, mais ça peut être marrant, je pense. Ouais. Et puis, on est ouvert à tout, quoi. Voilà, exact. Voilà. Et vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur PodCloud, sur Spotify, sur Deezer, sur tout ce que tu veux. Et, sur le site aussi, ouais. Et sur les sites, ouais, VR4Player, c'est vrai qu'on peut aussi écouter là-bas. Ouais. Tout à fait. Accessoirement. Accessoirement. Non, mais c'est vrai, quoi. Venez discuter avec nous sur les forums, venez discuter avec nous sur Facebook, venez discuter avec nous sur Twitter. éviter de troller tant qu'à faire, hein, parce que c'est pas très très gentil. Et puis on vous dit à dans deux semaines, on vous fait de gros bisous et puis à bientôt. Allez, ciao. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Bye. Ciao ciao. C'est bon. Bon, allez, parfait. Bon, bah, attends, on va essayer d'enchaîner. Alors, du coup, ça va faire vraiment fake. Hein. C'est vraiment de l'arnaque là. Ouais, là, il faudrait revenir en arrière. Putain. Bon, alors, je vais faire rien. Ok. C'est Cyril qui parlait. ça va être chaud. J'ai fini. Bon, bah, allez sur le. Enfin. Les promos jusqu'au 6 février. Je crois que j'ai fini ma phrase par ça. Ouais. Ok. Bah sinon, recommence les promos et puis tu. Non. Si c'est fait. Non, j'avais dit le bloc, couper. Donc c'est bon. C'est sans coup. Faut juste une petite transition quand même pour. Sinon, après un petit problème technique et puis on va lancer. Voilà. T'inquiète, je le sens bien là. Attends. Ok, très bien. C'est ça. Ça va être exactement ça. Attends. Ok, très bien. Et bah du coup, plein de bonnes choses pour les nouveaux possesseurs ou ceux qui ont le PSVR depuis un bon moment. Il y a de quoi faire en tout cas. Et ça, c'est plutôt cool.